Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La lutte contre le sida en Afrique a bénéficié de financements réels de la part de la communauté internationale, près de 5 milliards de dollars. Pourtant, elle n'a pas rempli ses objectifs. Voici un cas d'échec. Avec plus de 12% de séropositifs dans sa population, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché au monde par le sida. Pendant des années, l'État a éludé le problème. Aujourd'hui, le système de santé fournit un accès universel gratuit aux antirétroviraux. Environ 2 millions de Sud-Africains prennent tous les jours ces médicaments dont dépend leur survie. Reste 4 millions de séropositifs sans traitement ou ignorant même qu'ils sont malades. Même si certains patients souffrent des effets secondaires ou de la stigmatisation sociale, pour beaucoup, le sida est devenu une maladie gérable et plus une condamnation à mort. D'après ces étudiantes de l'université de Pretoria, leurs amis ont des rapports sexuels non protégés et ont souvent plus peur de tomber enceinte que d'attraper le sida. Je trouve que les gens ne prennent pas le virus assez sérieusement, surtout les gens de notre âge, parce qu'il y a les antirétroviraux, il y a les traitements post-exposition, donc ça va, il y a un plan B, un plan C et des filets de sécurité. L'Afrique du Sud, Jean-Hervé Bradol, vous qui êtes directeur d'études à la Fondation MSF, concentre en quelque sorte les différents problèmes liés à la lutte contre le sida. Comment en est-on arrivé là, dans ce pays qui est un pays très largement développé par rapport aux autres pays africains? Bon, disons que l'Afrique du Sud, c'est un extrême quand même, hein. 12% de la population adulte séropositive sur l'ensemble du pays, c'est quand même très spécifique à l'Afrique australe en général, au Swaziland, au Lesotho, au Botswana, par exemple. Mais vous avez raison, ça concentre beaucoup de l'histoire du sida. Une histoire qui commence avec des pratiques médicales dites iatrogènes, c'est-à-dire susceptibles elles-mêmes de causer des maladies, comme la réutilisation de la même aiguille, de la même seringue, pour injecter plusieurs patients différents dans le cadre des activités curatives ou préventives des centres de santé, dont on sait aujourd'hui, grâce à certaines enquêtes, celle de Perrin en particulier, que la biomédecine a contribué à l'émergence de l'épidémie, des épidémies à VIH. Vous êtes en train de dire que s'il y a autant de cas de sida en Afrique, c'est peut-être à cause, évidemment de manière involontaire, à cause des médecins. À cause des pratiques d'injection des personnels de santé, c'est une des contributions. C'est pas la seule force qui a permis le développement de l'épidémie. Il y a des migrations de population, des réorganisations du travail à l'époque coloniale, etc. Mais il y a une partie de la transmission, de la responsabilité de la transmission qui incombe à la biomédecine, aux médecins, au système de soins. Après, l'Afrique du Sud, c'est aussi le merveilleux exemple du déni gouvernemental des problèmes. On parle toujours... Mais c'est à ça, en fait, que je pensais en premier lieu pour l'Afrique du Sud. Alors là, c'est sûr que le début des années 2000, la présidence de Monsieur Thabo Mbeki ont été des années où on a pris beaucoup de retard, puisque le chef de l'État, la ministre de la Santé, niait que le sida soit le produit d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine. C'est-à-dire que pour eux, on se trompait de diagnostic, on se trompait complètement de sujet. Donc c'est un pays qui a pris du retard pendant le début des années 2000, absolument. Comment expliquer cette résistance politique aux évidences, à l'évidence du sida, Jean-Hervé Bradol? D'abord, il faut remarquer qu'on parle toujours de la culture des malades qui serait un frein à l'organisation des soins, à la bonne délivrance des soins, et que en réalité, c'est plutôt la culture politique des élites qui constitue un frein majeur. Et dans la non-reconnaissance du problème, il y a une motivation, c'est de ne pas en être responsable. Parce que si vous le reconnaissez, il faut rendre des comptes immédiatement sur comment vous organisez la lutte contre l'épidémie à VIH, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour les personnes déjà infectées, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait moins de personnes infectées à l'avenir, de présenter des résultats à l'échelle du pays. Et ça, il y a beaucoup de pays qui savaient très bien qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire. Donc, on jouait la politique du déni, de gagner du temps en niant l'existence même du problème dans leur pays. Bon, alors, donc ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Il y a plus généralement un certain nombre de résistances, cette fois-ci des résistances populaires ou culturelles à l'existence du sida et à la nécessité de s'en protéger. Oui et non, parce que dans tous les programmes de prévention historiquement et dans toutes les sociétés, ça peut pas marcher à 100%. C'est-à-dire, on peut pas convaincre l'ensemble des individus. Il y a une formulation, je dirais presque, avec des guillemets, totalitaire des ambitions de santé publique. Donc ça vous revient en boomerang. Effectivement, il y a une part de la population qui est pas intéressée par la proposition de santé publique que vous lui faites, même si elle est menacée de mort. Si on songe à la consommation du tabac aujourd'hui dans notre propre société, on le voit très bien. Il n'y a pas un grand mystère là-dedans. C'est-à-dire que il y a toujours une part que peuvent couvrir les grandes actions de santé publique, et puis des limites aussi évidentes. Le problème, c'est plutôt de bâtir des politiques en espérant des couvertures à 90%, c'est-à-dire une compliance de la population très élevée pour observer les recommandations produites par les responsables de santé publique et les responsables des activités cliniques. C'est une illusion, donc c'est une illusion qu'on se prend en boomerang. Mais alors comment expliquez-vous, puisque vous convenez que les sommes investies par la communauté internationale en Afrique dans la lutte contre le sida sont des sommes suffisantes, importantes, comment pourriez-vous les qualifier? C'est des sommes très conséquentes qui ont permis la mise sous traitement rétroviral de presque 20 millions d'individus maintenant, d'autour de 20 millions d'individus. Donc il y a eu un effort rapide, à la fois technique, scientifique, il fallait trouver, fallait séquencer le génome du virus, fallait produire des outils, comme on dit, des tests diagnostiques, des premiers antirétrovirales disponibles en 1987, ce qui est assez rapide, la ZT. Donc oui, il y a eu un investissement. Mais le problème me semble aujourd'hui dans le fait qu'on prétende qu'avec ce qui est disponible et ce qui a permis d'en arriver là, c'est-à-dire beaucoup de gens sous traitement qui survivent grâce à ça, on pense qu'on peut régler le problème du sida de manière définitive, et on l'affirme. Et là, on s'appuie sur un grand exemple historique, l'éradication de la variole, qui se termine à la fin des années 70, au début des années 80. Et finalement, il y a un paradigme qui s'installe chez les décideurs, dans la culture des décideurs de santé publique, pour l'éradication des problèmes de santé. Là aussi, il y a le retour d'un fantasme un peu totalitaire. Ce qu'on a pu réaliser pour la variole dans des conditions précises, avec des contraintes précises et des avantages aussi du modèle de la lutte contre la variole, c'est absolument pas reproductible pour l'ensemble des maladies, mais pourquoi pour des raisons. Pourquoi pour le sida? Parce que c'est une maladie difficile, la variole, on avait un vaccin, et un bon vaccin, et on l'avait quasiment gratuitement pour mise à disposition pour commencer, par certains pays. Là, pour le sida, tout bêtement, il n'y a pas de vaccin, quoi. Donc, toutes les autres actions qu'on vous propose sont d'emblée beaucoup plus complexes. Donc, l'éradication pour le sida est aujourd'hui, en tout cas, Jean-Hervé Bradol, impossible ou... Elle me semble impossible alors qu'elle est un des mots d'ordre des organisations de lutte contre le sida, de l'OMS ou de l'ONU Sida. Et elle est un de ces mots d'ordre pour des raisons marketing, pour vendre aux donateurs ces actions. Pourquoi? Parce que si on disait seulement on va soigner le sida, les gens donneraient pas d'argent? Beaucoup moins. En général, les bailleurs de fonds publics dans les grandes actions de santé comme ça, sur les grands problèmes, il faut leur promettre le contrôle de la question. C'est-à-dire, vous investissez au départ massivement dans... Il y a un problème, on va vous donner une solution. Voilà. On vous demande un gros investissement pour mettre en œuvre la solution, mais une fois que la solution sera mise en œuvre, vous serez définitivement débarrassé de ce problème. Et alors que quoi? Le sida aujourd'hui, donc, en l'état des connaissances en tout cas, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, malheureusement. Pour un certain nombre d'années, jusqu'à temps qu'il y ait... Par exemple, dans l'hépatite C, si on prend une autre maladie virale, dans l'hépatite C, on pouvait pas s'en débarrasser. Donc, il y avait un état de chronicité, des traitements hyper douloureux, et puis des patients à qui on était obligé de dire « Désolé, mais on n'arrive pas à vous débarrasser votre foie de ce virus. » Et brutalement, il y a quelques années, là, 5 ans environ, apparaît une nouvelle génération d'antiviraux, et aujourd'hui, on est capable de débarrasser l'organisme du virus de l'hépatite C. Donc... Les programmes médicaux qu'on peut mettre en place, ils sont évidemment conditionnés par l'état des sciences et des techniques. Et il y a des bonnes nouvelles régulières. Elles ne sont pas strictement prévisibles, mais il y a des progrès réalisés régulièrement. Mais j'ai lu qu'il y avait des difficultés particulières en Afrique à condomiser les populations. C'est comme ça qu'on dit pour le port du préservatif. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, Jean-Hervé Bradol, vous qui êtes directeur d'études à la Fondation MSF? Elles ne sont pas particulières à l'Afrique. Elles sont particulière aux groupes qui sont touchés par cette épidémie, qu'ils soient en Afrique ou pas. En France, on a tous les ans plusieurs milliers de nouvelles transmissions de la maladie. Les bras nous en tombent, hein, d'une certaine façon. Donc, y a une part, avec les outils qu'on a, les outils diagnostiques, les outils thérapeutiques qu'on a, il y a une part qui reste très difficile à accomplir. On ne peut pas couvrir l'ensemble. Et alors, justement, lorsque vous dites les bras nous en tombent parce qu'on se rend compte qu'on a des contaminations en France, alors que normalement, elles pourraient être évitées dans le cas donc des contaminations sexuelles par le port du préservatif. Ou par la prise préventive d'antirétroviraux. Il y a maintenant une autre approche également disponible. Si vous avez vraiment des pratiques à risque, peut-être que de manière préventive, il faut vous mettre sous antirétroviraux. En tout cas, vous avez la possibilité d'en discuter avec vos médecins. Et ça, justement, est-ce que ça n'est pas courir un risque supplémentaire, le fait qu'il y ait ces antirétroviraux qui peuvent être pris avant, est-ce que ça n'a pas introduit un élément de complexité, alors que si on avait en quelque sorte insisté surtout sur le port du préservatif, il n'y aurait pas eu ce double discours? Ben oui, mais il y a forcément plusieurs discours et il y a forcément le besoin de gérer plusieurs types d'actions et plusieurs types de propositions faites aux patients, parce que le préservatif, ça ne va pas convenir à tout le monde. Et même si c'est un outil fabuleux de prévention, et ben voilà, vous aurez toujours un segment de la population concernée, parfois de la population la plus concernée, celle qui a les pratiques les plus à risque, auxquelles ça convient pas. Donc je trouve que à ce moment-là, le rôle du médecin, c'est d'avoir une proposition alternative, mais c'est pas un traitement disciplinaire de la difficulté qu'il faut conduire. Pensez-vous que le fait également que le SIDA soit devenu une maladie chronique, vous diriez ça? Oui, oui. Est-ce que cela fait baisser le niveau de vigilance, peut-être, des individus? Déjà, si on reparle un peu de l'Afrique, traiter les maladies chroniques en Afrique, tout court, ça n'existait pas. Avec les soins contre le VIH, on a été obligé de mettre en place toute une filière où on voit les malades, je dirais, pour une illustration commune, sur rendez-vous et pas à l'arrache, issus de la salle d'urgence. Donc, des patients avec qui on décide d'entretenir une relation de longue durée, de construire une relation de confiance avec des transferts de responsabilités en matière d'information médicale, en matière de traitement. Tout ça, c'est extrêmement complexe. Quand on voit les pays qui ont fait cet effort, alors évidemment, il leur reste beaucoup à conduire, à augmenter cet effort, mais c'est déjà une œuvre gigantesque qui a été accomplie. Ça n'existait pas avant. Quels sont les progrès encore à accomplir, puisque donc vous convenez, Jean-Hervé Bradol, que la lutte contre le sida en Afrique n'a pas porté tous ses fruits? On peut rêver quand même d'un traitement qui débarrasse le malade du virus. Et on peut rêver d'un vaccin quand même. On peut, même si la recherche vaccinale dans le domaine du VIH, bon, marque le pas, rencontre des difficultés, on peut continuer quand même à espérer travailler un jour avec un bon vaccin. Quels sont les obstacles scientifiques à ce vaccin? Qu'est-ce qui aujourd'hui... L'imagination humaine, il faut le reconnaître, l'homme n'est pas tout puissant par rapport à, face à des phénomènes. Mais quels sont les problèmes spécifiques liés à ce virus qui rendent difficile... C'est un virus qui s'attaque lui-même à l'immunité. Hein, c'est sa grande propriété. Il désorganise complètement le système immunitaire. Donc, mettre au point un vaccin stimulant l'immunité face à un virus dont la spécificité, c'est de désorganiser complètement la réponse immunitaire, on voit bien qu'il y a, là, il y a une difficulté scientifique particulière. Quelle est la gageure, cette fois-ci, en Europe, en France, Jean-Hervé Bradol, sur la lutte contre le sida? Le défi, c'est encore d'arriver à dialoguer avec des groupes de malades qui sont repoussés à la marge de la vie sociale. C'est pas de leur fait, mais qui sont, par leur pratique sexuelle, par le fait qu'ils sont nouveaux arrivants dans le pays, sont repoussés aux marges du système de santé. Entretenir une bonne qualité de dialogue avec ces groupes-là, ça me semble tout à fait essentiel. Yeah. Syndrome immunodéficitaire actif. Syndrome immunodéficitaire actif. vais m'éclater. On va s'amuser. Confiance, d'accord, mais prudence d'abord. Il y a la panique à bord. C'est le syndrome immunant. Menace les générations, faisons attention. Superfell, c'est fini. Merci beaucoup à Jean-Hervé Bradol, vous êtes directeur d'études à la Fondation MSF. Merci aux équipes de France Culture, Anaïs Isebaer qui a gâché la production, Alex Dang qui a dévasté la technique et Alexandre Fougeron qui a mis la réalisation par terre. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida. Attention, attention, attention.